Je voudrais récupérer du matériel, mais non, tout allait. Mais pourquoi ils ont tout balancé, toutes les archives? Parce qu'ils voulaient que le chantier. Les derniers étaient partis à Saint-Nazaire. Ben, le chantier, la ville de Nantes voulait récupérer absolument tout le bâtiment, tout ce qui était là. Donc ils ne voulaient pas de souvenirs, ils ne voulaient pas de machin. Alors, c'est comme ça. Hein. Donc c'est qui a décidé de jeter les archives? C'est la ville de Nantes, d'après, qui a tout balancé. Parce qu'il y avait des archives, donc il y avait beaucoup. Les archives de Loire-Bretagne, sur les bateaux et tout, les plans. On a récupéré un petit peu que j'ai en face, là, mais pas grand-chose. Des pleins camions sont partis comme ça. Ben, les gars n'étaient plus là, les gars étaient rendus à Saint-Nazaire. Il y avait une quinzaine de gars qui étaient là pour les affaires gérantes, pour gérer la fin, la fermeture. Ça a été pillé, acheté à prix d'or des machines qui valaient cher, qui ont été achetées pour pas rien de manquer. Saint-Nazaire en volait pas, bon, hop, ça. Il y en a qui ont fait des fortunes ici, hein, en matériel. Tous les ateliers étaient pillés, vendus, tout ça. Ah, c'est comme ça, c'était. Moi, il y avait 2 ans que j'étais parti, je suis revenu un jour, là, oh là, quand j'ai vu ça, c'est pas possible, il y avait du monde partout, des camions, ça embarquait, ça découpait, ça arrachait même les coffres souterrains partout, parce qu'il y avait des cuivres à plein en dessous, hein. Ça s'arrachait à plein, c'était le pillage organisé. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit la ville. En laissant comme ça, il n'y a pas besoin de payer quelqu'un pour démonter. Tout va être démonté. Hein. Il n'y a qu'à laisser faire tout le monde, ça va. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de porte, plus rien. Les rambardes, ils commençaient à les démonter dans l'escalier et tout. Ça. Hein, c'est comme ça. Il est parti voir la télé, c'est. Je sais pas.